Automne à Paris. Faustine range sa maison avant de rentrer en France s'occuper du renouvellement obligatoire de son permis de travail, si elle ne veut pas perdre ses acquis. Elle lave et elle repasse ce qu'elle emportera, abrite le reste hors poussière. Enfin, elle congèle quelques petits plats. Il ne faudrait pas que Maxime meure de faim en novembre quand il sera tout seul. Pour cela, faire les courses. Afin de joindre l'utile au ludique, elle aimerait vérifier cette histoire de magasin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Depuis qu'elle vit ici et qu'elle voit cela écrit en grand sur toutes les vitrines, elle se demande si c'est de la publicité mensongère ou pas. Aucune de ses copines n'a pu la renseigner. Elle ne voit pas la nécessité de faire des heures supplémentaires dans les magasins la nuit, et quand elles sortent le soir, ce n'est certainement pas dans ce genre d'endroit. Alors que Faustine préférerait presque visiter ce type de magasin plutôt qu'une boîte de nuit. Elle doit être désaxée. Une nuit donc, après avoir passé la soirée à regarder des vieux films chez son ami Patrick, au motel Howard Johnson, elle fait le détour par Manassas. Il y a un giant food store prétendument ouvert toute la nuit. Ce qui est insolite dans les GFS, c'est que où que vous alliez dans n'importe quel magasin du pays, tout est agencé de la même manière. Imaginez un peu. On trouve le stand des poireaux exactement au même endroit, que ce soit dans le Missouri, en Alabama ou dans le Nebraska. N'est-ce pas formidable? Comme toujours, Faustine établit sa liste de courses en fonction de la disposition des pagodes et des rayons. Pour commencer, les étalages de fruits et légumes. Ensuite, les armoires frigorifiques de l'étage transformées, yogourt, beurre, fromage. En face, la viande. Jambon, lard, bacon, poulet, porc, bœuf. Où sont les lapins, les canards? Plus loin, les œufs, le lait, les produits longue conservation. Les contours de produits frais, la boulangerie, le poisson, la viande sont plongés dans le noir. C'est là qu'elle constate que si l'ensemble du magasin est bien achalandé, ses services à la coupe sont fermés entre 2 et 6 heures. On ne peut donc pas acheter de la viande ni du poisson frais à 2h40 du matin. C'était bien de la publicité mensongère. Faustine n'a pas besoin de viande, bien sûr, mais cela confirme son ressenti. Même en Amérique, il n'est pas possible, rentable, de faire travailler tout le monde jour et nuit. Malgré tout, l'idée de prolonger les heures d'ouverture des commerces de biens de consommation semble ingénieuse. Quant à savoir si cela résoudrait le problème du chômage en Europe, c'est à creuser. Faustine observe et trie. Toutes ces idées de développement de vente de marchandises ou de services sont bonnes à prendre et à adapter. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour, si elle retourne vivre en France définitivement, elle s'inspirera de certains concepts américains pour ouvrir sa propre société. Pourquoi pas? Par contre, à la différence des ménagères américaines, il est hors de question qu'elle-même se laisse suborner par l'offre pléthorique de plats préparés. Les repas télé, merci bien. Elle qui pensait le féminisme américain tout-puissant, infiniment plus agressif que celui des Françaises. Comment ces superwomen peuvent-elles s'oublier au point de perdre tout contrôle sur le savoir-faire? Ignorent-elles que l'amour passe par l'estomac? Ne comprennent-elles pas qu'elles sont en train de se rendre totalement dépendantes des marchands? Qu'elles perdent leur autonomie? Font le jeu du capitalisme qui a tout intérêt à ce qu'elles aillent travailler et payent des impôts à l'instar de leur mari? Et que par-dessus tout, elles finiront dans la solitude? Finalement, si elle ne le voit pas, c'est que ce sont des féministes pour rire. Sinon, étant souvent à l'aise financièrement et plus nombreuses que les hommes, il y a longtemps que par leur seul droit de vote, elles auraient repris le contrôle. Faustine n'a pas lu Étienne de la Boétie, mais elle semble avoir intégré certaines notions de base en ce qui concerne la servitude volontaire. Pour le moins, elle reste lucide. Quelques jours avant son envol pour l'Europe, la jeune femme reçoit une longue lettre de Maxime. Arrivée à Cannes le 17, il a retrouvé ses filles avec plaisir. Elles sont en pleine forme, toutes fières de lui montrer leur chambre rénovée. Maxime a profité de son séjour pour faire un tour au Pied Bleu. Il est très content, les musiciens s'en sortent bien sans lui. Sinon, il pleure un peu parce que Faustine lui manque. Il pressent que les prochains mois sans elle vont être bien solitaires. Faustine ne s'inquiète pas. Elle reste lucide, sachant que les groupies ne manquent pas au pied de l'orchestre pour les coups d'une nuit. Pour leur avenir, Maxime concocte alors, nécessité faisant loi, une formule qu'il aimerait proposer à Don White. Elle leur permettrait de rester 8 mois aux USA et 4 en France. Temps suffisant pour grouper tous les séminaires actuellement en commande. Il sait que c'est impossible dans l'immédiat. Don a besoin de lui sur place. Il n'y a pas assez d'instructeurs pour couvrir la demande en Europe. Aussi, Maxime reste voué aux incessants allers-retours. Dût-il y perdre la santé ou le moral, comme c'est le cas en ce moment. Le lendemain, déjà, Faustine reçoit une nouvelle lettre qu'il a dû écrire, sitôt la première partie. Il vient d'arriver à Udine, en Italie du Nord. Il déprime moins, mais grogne qu'il est difficile de travailler en anglais avec des Italiens, tant leur accent est épouvantable. Il a énormément de peine à se faire comprendre. En outre, il passe son temps à courir après ses étudiants. Leur notion de la durée des pauses n'étant pas du tout compatible, c'est peu de le dire. Or, il a un programme à leur faire intégrer, lui. Il est payé pour ça. Alors, il part à leur recherche, à la cafétéria ou au bistrot d'en face. On récupère deux, les ramène en classe, puis repart à la chasse. Hélas, quand il en a rassemblé deux autres et revient avec, c'est pour voir les premiers repartir dans l'autre sens. C'est à désespérer. À mourir de rire, oui, pour une Faustine qui lit ses évocations comme on regarderait un film de Laurel et Hardy. Oh, oh, oh, tu nous as mis dans une drôle de pétrin. Maxime raconte cela d'une manière si vivante qu'elle a l'impression d'y être. Le 21 octobre est là. Faustine a rendez-vous avec Colin au bureau. C'est elle qui la conduira à Dulles Airport. Juste avant de la retrouver, Faustine passe chez les secrétaires et fait envoyer un télexte à son amie Sylvie à Paris. Rien ne s'oppose à ce qu'elle commence le travail lundi. Faustine donne le numéro de Carl et Julie chez qui elle logera. Elle passera signer son contrat sitôt que son amie lui aura trouvé quelque chose. Le soir, elle s'envole, sereine, non sans avoir éclusé quelques bières, comme d'habitude, au bar de l'aéroport. Pour une fois, elle dormira un peu. Dès que le film choisi, La banquière, avec Romy Schneider, sera terminé. À Bruxelles, à Aventheim, elle prend la navette pour Bruxelles midi, puis le premier train pour Paris Nord. Un court trajet en métro la dépose enfin place d'Iéna. Rue de Longchamp, au 6e étage, elle sonne à la porte de l'appartement de Carl et Julie. Sitôt la porte ouverte, un énorme épagneul noir lui saute dessus. C'est le chien de Carl, il s'appelle Gif. L'accueil de Julie est enthousiaste. « Ah, te voilà, toi, il était temps. On va passer à table, tu as faim ?»« Bien sûr, mais pas de mais. Assieds-toi et raconte-nous l'Amérique. Ensuite, je te montrerai ta chambre. » Faustine obtempère, cela tombe à pic. Le petit déjeuner dans l'avion n'est plus qu'un lointain souvenir. Elle est heureuse de revoir Jack, le cadet de Carl et Julie, qui a passé quelques semaines chez elle aux USA. Son frère, Tony, est là également. Ils font un peu mieux connaissance. Ses amis aiment toujours autant manger. D'ailleurs, ils ne parlent que de bouffe. Passé, présent et avenir. Carl parle de la Porsche décapotable qu'il vient d'acquérir, Julie, du chat qu'une amie va lui offrir. On rit beaucoup aussi des frasques du chien qui saute sur tout ce qui bouge, même les chihuahuas. Julie rigole. Comme son maître, hein? Mais non! Et sinon, ton chat, tu veux l'appeler comment? Je sais pas, moi, j'y ai pas réfléchi. Si c'est une femelle, on pourrait l'appeler Yvette. Ah bon, pourquoi? Parce que j'y vais sur Yvette? Afin que Faustine puisse rire aussi, Jack, assis à côté d'elle, lui explique que Gif-sur-Yvette est une bourgade de la vallée de Chevreuse, au sud-ouest de Paris. Elle rit de bon cœur. Finalement, ça lui convient bien de se taire. Elle aurait eu de la peine à en placer une dans tout ce brouhaha. Si tout le repas avalé, prenant le mutisme de leur invité pour un signe de fatigue, ce en quoi elle n'a pas tout à fait tort, Julie propose de lui montrer sa chambre. Sortant de l'appartement, elle la conduit au bout du couloir, ouvre la porte d'une chambre de bonne. C'est là que Karl a installé son bureau, transformé depuis peu en chambre d'amis. C'est petit et spartiate, mais suffisant pour quelques semaines. Il y a le bureau, interdiction de toucher, un lit, un lavabo, un tabouret. La valise tiendra sous le lit. En même temps que celle de sa chambre, Julie confie à Faustine une clé de leur appartement. Elle pourra utiliser les toilettes familiales, la salle de bain, la cuisine, regarder la télévision, même en leur absence. De plus, chaque fois que les La Clairière seront en voyage, en tournée avec l'orchestre ou dans leur résidence de Saint-Mexant, presque tous les autres week-ends, elle aura l'usage exclusif de l'appartement. Voilà, maintenant je te laisse te reposer. Au sortir de sa sieste, Faustine rejoint le couple dans sa cuisine. Il prépare un spaghetti maison qui s'annonce bien. C'est confirmé une demi-heure plus tard. L'ambiance est toujours aussi animée autour de la table, mais ce soir on ne traîne pas. Karl et les garçons jouent au slow club. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie. Sitôt les hommes partis et la vaisselle faite, Julie et Faustine s'installent devant la télévision. Julie met Faustine au courant des habitudes de la maison. Demain soir, elle partira pour Saint-Mexant comme tous les vendredis. Elle rentrera dimanche. Karl et les garçons la rejoindront samedi après la soirée au slow. Elle explique à Faustine que le mercredi soir, elle donne des cours de bebop au slow club. Si ça l'intéresse, elle sera la bienvenue. Faustine ne sait pas trop. On lui a tellement dit qu'elle n'avait pas le sens du rythme, qu'elle n'a plus du tout confiance en elle. Tu as tort, tu devrais essayer. Au pire, ça te défoulera. D'accord, je viendrai un jour, promis. Toute la journée du jeudi, Faustine la passe en démarches administratives. Elle va chercher à la préfecture de police, sur l'île de la Cité, les formulaires à remplir pour le renouvellement de son permis de travail. C'est une simple formalité, lui a-t-on dit, mais cela prendra tout de même plusieurs mois. C'est impératif derrière elle, Faustine décide de remonter à pied jusqu'à la rue de Longchamp. Ça lui fait un bien fou de retrouver Paris. Elle ne s'était pas rendue compte, dans sa cambrousse américaine, à quel point le bitume lui avait manqué. Les trépidations, l'excitation ambiante, elle en a même attrapé un tel vertige sur le trottoir place de la Concorde en regardant les voitures filer à toute vitesse qu'elle a failli tomber. En poussant un peu avant de rentrer, elle est passée par le palais de Chaillot et les toboggans de skateboard pour voir si Jack et Tony, les fils de Karl et Julie, y étaient. Mais non, personne. À tous les coups, ils sont dans le métro en train de faire la manche. Vendredi matin, Faustine reçoit un coup de téléphone de Sylvie. J'ai un poste pour toi. Tu commences lundi. Tu viens signer le contrat cet après-midi? D'accord, mais si on déjeunait ensemble plus tôt, tu as le temps? Ça devrait pouvoir se faire. Je n'ai pas de rendez-vous client ce midi. On se retrouve aux deux magots, tu préfères le Procope? Elle et deux amies de se retrouver au Procope. Quelle joie après si longtemps! Sylvie vit toujours avec Jean Fabrice dans le 13e arrondissement de Paris, rue Nationale. JF continue ses études. Il espère intégrer le Palais Brongniart, la Bourse de Paris, l'an prochain. Il rêve de travailler à la Corbeil. En attendant, c'est Sylvie qui suit bientôt besoin du couple. Sur le chemin de la réussite, elle est à la tête de l'agence Manpower de la rue d'Itré. Cette fille a un bagou incomparable et une rare intelligence commerciale. Elle est la preuve vivante qu'il n'est pas nécessaire de passer par HEC, Hautes Études Commerciales. Il ne fait aucun doute qu'elle fera une très belle carrière et dirigera plusieurs agences, tant elle est une pointure dans son domaine. Pour l'heure, elle rêve d'un avenir serein avec son amoureux, de virer à moto au bord de la mer, de s'acheter une maison, de se marier, d'avoir des enfants comme tout le monde. Faustine n'en est pas là, mais c'est bien un peu l'idée pour elle aussi. La carrière en moins. On ne peut pas avoir les voyages et la stabilité en même temps. Au cours des 3 mois suivants, Sylvie lui trouvera des contrats dans différentes sociétés de la place, dans le 8e, le 7e et le 15e. Faustine fera des expériences variées, tant dans l'immobilier, les métaux lourds, la banque, l'épargne, que dans un cabinet d'architecture et même fugacement chez Coca-Cola à la Tour Montparnasse.